Alors, bon dimanche à tous. Bonjour Daniel. La spiritualité et la conscientisation et la supramentalisation et la mentalisation, ça va ensemble. L'évolution. C'est des mots en tout cas, ça va au moins ensemble pour ça. Ça se dit? Ça se dit. Est-ce que... Bon, il y a des pièges dans la... Dans la transition de l'homme nouveau vers... quand il se conscientise, finalement. Il y a des pièges de tomber dans la spiritualité. Vrai ou faux? Peut-être. Le plus grand piège de dans l'ascension, c'est effectivement la spiritualisation des choses. Le plus grand piège dans l'ascension, dans la conscientisation, finalement, dans l'ascension, qu'est-ce que c'est? L'ascension, c'est l'ensemble des mécaniques qui permettent à un être, jadis conscient, présentement inconscient, de redevenir conscient dans l'instantanéité. Donc, dans l'ascension, on retrouve l'évolution. On retrouve, premièrement, dans l'ascension, on va retrouver nécessairement la création des corps physiques, on va retrouver l'émancipation des corps physiques, la naturalisation des corps physiques, on va trouver l'apparition du corps vital, des corps astraux, du mental progressivement, ce qui fait partie des processus de l'évolution. Et on aura nécessairement la conscientisation. Par la suite, il y aura la fusion, ça fait partie de l'ascension. Et il y aura, à un moment donné, la maîtrisation, qui fait aussi partie de l'ascension. Et finalement, progressivement, la trinitisation, qui fait aussi partie de l'ascension. Bon. Donc, dans l'ascension, il y a, pour l'humain actuellement présent sur la planète, ici, le plus grand des problèmes, le plus grand des dangers, c'est la spiritualisation, c'est-à-dire que l'humain est spirituel et de la spiritualité, l'humain doit parvenir à un phénomène mental. De la mentalisation, qui est un danger, qui est un piège, c'est pas le plus gros problème. L'humain doit parvenir à la conscience. Donc, en étant parvenu à la conscience, l'humain poursuit une étape de conscientisation qui fait partie aussi de l'ascension. Et progressivement, l'humain va parvenir à la fusion, l'humain va parvenir à la maîtrisation, l'humain va parvenir finalement à la trinitrisation. Et à travers toute cette mécanique, le gros handicap de l'homme, de la femme ou de l'enfant, c'est effectivement la spiritualité, c'est-à-dire que régulièrement, l'humain a tendance à respiritualiser les mécaniques pour la simple raison que son grand échafaudage, c'est l'astral. L'astral, c'est de la spiritualité. Donc, l'être humain, au fur et à mesure qu'il vit son ascension, il vit une correspondante mémorielle de son expérience ascensionnelle qui est de l'astral et qui, finalement, finit toujours en spiritualisation. Si on parle plus clairement, ce qui arrive, c'est que les personnes sont spirituelles, c'est-à-dire que les personnes vivent émotivement la conscientisation. Et lorsqu'une personne vit émotivement la conscientisation, elle ne peut pas se conscientiser à la valeur, au rythme ou à la vitesse qu'elle pourrait le faire si elle n'émotiviserait pas les choses. Donc, quand un être humain émotivise la conscientisation, il en fait finalement une spiritualité, donc il spiritualisera les choses, et la spiritualité débouche toujours sur la religion. La religion, c'est la spiritualité organisée. La religion, c'est la spiritualité des masses, c'est-à-dire que ce n'est pas une religion, ce n'est jamais un phénomène individuel. C'est sûr que le mot religion vient des termes reliés, et c'est une stratégie, une technique pour permettre à une conscience astrale de se relier à un égrégore astral aussi, à Dieu. Sauf que quand on parle de religion, on parle de spiritualité organisée. Donc, dans la religion, il y a la superstition. Alors, il y a plusieurs personnes qui se conscientisent et qui, dans leur conscientisation, émancipent une spiritualité et donc débouchent progressivement vers une religion. Et il y a déjà des rituels qui sont superstitieux à travers la démarche de plusieurs personnes dans l'ère de la conscientisation, c'est-à-dire chez les transitifs. Donc, lorsque l'être humain évolue, il vit de spiritualité. À un moment donné, la spiritualité commence à s'estomper parce que, en même temps, progresse l'émancipation de la conscientisation. Mais étant donné que l'être humain était échafaudé par un ego, donc par de l'astral, il a nécessairement un handicap majeur, le virus, l'ego, l'égocentricité, qui copie dans sa mémoire l'expérience qui va confronter l'être humain planétaire à l'intelligence. Vu qu'il va copier dans sa mémoire la confrontation entre l'humain et l'intelligence, il va nécessairement être capable de structurer inconsciemment au départ, une mécanique spirituelle qui va progressivement devoir remplacer la réelle conscientisation par une mécanique spirituelle qui va donner à l'individu l'illusion qu'il continue sa conscientisation dans une démarche où il recrée le contact, il recrée mémoriellement le contact avec l'intelligence dans la spontanéité. Donc, l'individu qui vit de spiritualité, et c'est l'un des points qui va démarquer le premier transport. C'est-à-dire que l'être humain, présentement, bon, il y a des milliers d'humains, des centaines de milliers d'humains, qui découvrent l'épaisseur du point de vue de anti-subtilité de la spiritualité et qui découvrent au fur et à mesure de leur expérience planétaire les pièges du mensonge cosmique appelé religion. À un moment donné, ces personnes-là peuvent transiter vers l'ésotérisme, vers l'occultisme, vers la parapsychologie, vers des choses comme ça, ou vers la matière carrément, mais ils vont progressivement se rendre compte de plus rapidement des limites aussi imposées par la matière, par l'occultisme, par l'ésotérisme et ces choses-là. Et ces personnages-là finissent par se retrouver obligatoirement dans un processus de mentalisation qui n'est pas nécessairement problématique. Il peut le devenir évidemment si la personne reste trop confrontée à vivre une expression de mentalisation. Parce que je vous ai déjà expliqué que dans la mentalisation, on avait toujours raison, même si on avait tort. Alors, l'individu vit une partie de mentalisation et à un moment donné, il commence à toucher les bas-fonds de l'ère nouvelle. Et quand il commence à toucher les bas-fonds de l'ère nouvelle, il découvre ce que, égoïquement, astralement, il a toujours recherché. De ce fait, l'ego va lancer le maximum de tentacules vers l'expérience nouvelle pour pouvoir s'alimenter astralement, égoïquement, émotivement, du contact entre la conscience de l'homme et l'ère nouvelle pour pouvoir arriver lui-même à recréer dans sa mémoire une mécanique paradisiaque qui va lui permettre de vivre lui aussi avant son anéantissement transitionnel vers la fusion, vers la création de double éthérique. Il veut vivre lui aussi un peu cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'il croit, il ne croit pas, c'est qu'il a encore, chaque ego humain a encore de la mémoire chez lui, de ce qu'il a été avant de devenir ce qu'il est présentement, et il a besoin quelque part de s'en nourrir. Mais c'est une faim extraordinairement grande, c'est une faim atroce, faim F-A-I-M, une faim atroce en ce sens que l'ego n'a tellement pas eu accès à cette nourriture depuis des millions d'années, qu'il a une faim terrible, et cette faim est tellement terrible qu'elle est anéantie du point de vue de la conscience, c'est-à-dire que l'humain ne sait pas qu'il a faim. Et lorsqu'il commence à toucher cette saveur de l'ère nouvelle, et il commence à s'alimenter, et là, il peut se libérer dans la conscientisation, c'est-à-dire qu'il veut tellement s'alimenter rapidement, et là, on va couper le contact. Et là, l'humain souffre. Pourquoi? Parce que l'humain, subitement, on vient de lui dire, écoute, t'avais oublié, là, mais t'avais atrocement faim, là. L'humain va donc, pour essayer d'atténuer cette faim atroce, créer de la mémoire du contact pour engendrer une spiritualisation, donc une émotivisation du contact. Et là, l'humain va spiritualiser les choses. Et la spiritualisation des choses entraîne toujours la création d'une religion, avec des rituels, avec des superstitions, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'humain n'est plus capable d'être le contrôleur, d'être le maître contrôleur des situations, des mécaniques. L'humain perd le peu de libre arbitre qu'il commençait à avoir s'installer dans sa conscience, et l'humain redevient un être qui fera partie des religions nouvelles et qui fera partie de la religion mentale, entre autres. L'humain redevient un être collectif qui sera assujetti à l'évolution archangélique, c'est-à-dire à l'évolution des grégaires, à l'évolution des masses. C'est le grand danger qui attend l'humain. Et ce grand danger-là est tellement connu qu'il retarde la descente des phénomènes supramentaux et qu'il retarde aussi le contact entre les êtres humains qui sont transitifs et des êtres extraterrestres, c'est-à-dire des mécaniques qui ne proviennent pas du monde planétaire, qui ont besoin de l'homme. Il y a évidemment toujours les intra-extraterrestres, c'est-à-dire que la mécanique qui pille, la mécanique est assujettie à l'évolution géovique et éolimique, qui pique la génétique, qui vole la génétique des humains pour recréer des similitudes dans des mondes refroidis extérieurs. Des univers, ils s'en créent sans arrêt. Alors, on a besoin de génétique, mais ce n'est pas de ceux-là que je parle. Ceux-là, ils vous volent la génétique, ils ne volent pas votre conscience. Ils peuvent, par contre, voler votre temps, c'est-à-dire que quand l'humain s'associe à des mécaniques extraterrestres, de gardiennage d'intraterrestres, il perd son temps. Et c'est déjà un problème, on perd déjà suffisamment notre temps, sans en plus aller le perdre dans des spiritualités religieuses reliées à des sauveurs ou à des phénomènes comme ça. Car moi, j'ai pris énormément de temps, et je vais commencer à en parler en 92, de cette intervention qui sera outre-espace et qui y aura une incidence majeure dans le fait que les personnes transitives n'auront pas nécessairement à subir et à vivre l'apocalypse des autres. J'ai toujours hésité à en parler. Pourquoi? Parce que l'humain astralement spiritualise, donc va créer des superstitions, des religions très rapidement avec ce que je veux dire. L'humain s'attend toujours à être sauvé, et quand je dis, par exemple, l'humain doit se sauver lui-même. Et quand l'humain s'est sauvé lui-même, il est prêt pour un contact extraterrestre. Mais là, l'humain se dit, hey, je vais me sauver moi-même, c'est la seule façon que j'ai d'être sauvé. L'humain n'a pas la consistance astrale, n'a pas la solidité astrale nécessaire encore pour être capable de supporter animativement l'information de sa provenance, l'information de l'absolu de sa réalité actuelle et l'information de ce qui l'attend dans un avenir actuel. Bon. L'humain émotivise trop les choses. Je me rappelle une expérience où j'avais posé des questions à des personnes et je leur avais demandé: si tu te promènes à un moment donné, on va dire dans la forêt, tu rencontres un extraterrestre qui te dit et qui te prouve, hors de tout doute, qu'il est celui que tu attends. Donc, c'est correct. C'est un bon extraterrestre. Il ne vole pas ta génétique. Il ne pire pas ta conscience. Il n'y a aucun problème. C'est parfait. Donc, tu rencontres quelqu'un qui, hors de tout doute, vous êtes sûr d'être sûr que c'est le bon. Vous ne vous faites pas avoir. La question est là. La personne va dire, oui, mais on n'est jamais sûr. Non, vous êtes sûr. Okay? Si vous n'êtes jamais sûr, quand vous êtes totalement sûr, là, les affaires, vous n'avez pas compris encore. Bon. Alors, vous rencontrez cet extraterrestre-là, et puis lui, il vous dit, écoute, je peux t'amener, mais je ne peux amener que toi. Alors, tu dois abandonner ta famille, tu dois abandonner tes amis, tu dois abandonner tout ce que tu connais. Je ne peux amener que toi. Alors, est-ce que tu viens ou tu restes? Et je me rappelle, à cette époque, les individus auxquels j'avais posé la question. C'est sûr, quand on n'a pas d'attache, pas d'éther, c'est-à-dire qu'on déteste sa mère, on déteste son père, on déteste ses enfants, on n'a pas d'amis, tout le monde est mort, c'est facile de dire, mais moi je m'en vais, c'est facile. Mais c'est ce qui va arriver. Il va arriver qu'à un moment donné, vous allez être confronté à une mécanique similaire. Puis évidemment, la majorité des individus disaient, écoute, je ne peux pas partir, ça n'a pas de sens. Bon, ça c'est une spiritualité. Et c'est dangereux. Il y a quelques rares individus qui ont dit, ben moi je partirai. Mais je le parlerai à maudit. Ah, il m'aurait sur le dos en tabarnouche le long du voyage pour venir chercher du monde. Mais je partirai. Il y a un grand danger de spiritualisation. Et ça se fait partout. Quand on parle d'ajusteurs de pensée, certains ne sont pas encore capables de contrôler leur ajusteur de pensée. Pourquoi? Parce qu'ils s'évertuent à contrôler une illusion. Bon. Et l'illusion, ce n'est pas l'ajusteur de pensée, c'est ce que l'humain crée dans sa mémoire de ce que c'est qu'un ajusteur de pensée. Quand on parle de dos éthérique, il y a des humains qui ont des dos éthériques en constitution. Mais l'humain n'est pas capable d'entrer en contact avec son dos éthérique, ce qui lui permettrait d'avoir un contact immédiat avec le plan supramental, donc de se centrer dans son intelligence, pas 24 heures sur 24, parce qu'il n'a pas un dos éthérique suffisamment constitué. Mais quand il se pose des questions, ou quand on vient le harceler astralement avec des questions, ou quand on lui pose des questions, il aurait la capacité de se brancher immédiatement pour avoir des réponses qui sont parfaites dans le temps. Donc, pour le moment donné, si les réponses sont parfaites, on n'en a rien à faire, ça va être parfait encore dans 6 semaines. Mais l'individu pourrait s'en servir. Mais parce que l'individu a spiritualisé la mécanique, parce que l'individu essaie toujours d'entrer en contact avec des choses qui font référence à l'idée qu'il a, à l'idée religieuse qu'il a des mécaniques, des choses, l'individu n'arrive pas à entrer en contact avec ça. L'individu rentre toujours en contact avec une brume. L'individu rentre toujours en contact avec la photo de la réalité, mais jamais avec la réalité. Parce qu'il se dit, la réalité, ça a nécessairement deux dimensions. Pourquoi? Parce que les religions ont toutes deux dimensions. Bon, les religions ont tous deux dimensions, et la personne se dit la réalité, ça n'a nécessairement deux dimensions. Inconsciemment, il crée donc de la réalité, il crée des religions. C'est-à-dire qu'il déforme la réalité pour en faire quelque chose qui est assimilable, plus ou moins par le mental et par l'ego. Et ça lui plaît. Donc, de ce fait, l'humain qui, à un moment donné, si je dis à quelqu'un, bon, autour du mois de mars 92, de toute façon, il va y avoir des rencontres entre certains humains et des intervenants extraterrestres d'un ordre... supérieur parce que supérieur aux extraterrestres, ça me fait tâche, en tout cas, c'est tellement évident. Bon, l'humain dans le mois de mars. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plusieurs personnes, à un moment donné, qui vont arriver. Je recommence les conférences une fois par mois régulières, les vendredis, bon, une fois par mois. Là, il y a des personnes qui vont arriver avec des petits papiers, ça va être écrit dessus. J'ai rencontré des extraterrestres, est-ce que c'était les bons? Tu sais, des affaires de même. Puis la personne, elle l'a rencontré peut-être, je sais pas, moi, un singe, je sais pas, du grand, puis il l'a rencontré avec un ringoire, à un moment donné. Elle a entendu bouger dans le bois, puis c'était près de la grotte des machins chouettes là, sur le satellite. Bon, il y a deux personnes qui vont se pointer bien camouflées, habillées pour pas se faire reconnaître sur Saint-Hilaire, là, puis ils vont venir chacun en disant qu'ils ont rencontré un intraterrestre. Ils se sont rencontrés mutuellement, puis c'est... La spiritualité, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs choses. Si vous spiritualisez les choses, ce que vous faites, il se passe ceci. Il se passe que vous entrez dans des rituels, dans des superstitions, où à un moment donné, vous avez peur de brimer l'intelligence, de brimer la religion, de brimer Dieu, de brimer votre ego, de brimer le contact, de frustrer les extraterrestres, de faire mal à l'intelligence, de la salir, de briser quelqu'un qui est intelligent, de défaire le cristal. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Mais si vous spiritualisez les choses, il y a une autre facette aussi qui peut arriver. Et cette facette-là, ça va être qu'inconsciemment, vous allez spiritualiser. Puis parce que votre mental est encore extrêmement allergique à la spiritualité, vous allez tout démolir ce que vous spiritualisez. Et en même temps, votre mental va rejeter tout ce qui est réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je spiritualise énormément, puis là, je me dis, hey, c'est vrai, les extraterrestres, ils vont venir, il faut peut-être qu'on prépare quelque chose, peut-être un symbole qu'ils nous reconnaissent, qu'on fasse, qu'ils rentrent en contact avec eux autres. Je me suis acheté, là, moi, une fourchette, des disques, puis des cossins, tu sais, pour faire un appareil pour rentrer en contact avec. J'ai vu ça dans les. Tu sais, ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est la spiritualisation. L'autre mécanisme que je pourrais me dire simplement, tu sais, les extraterrestres, ça n'existe même pas. Et vu que j'ai spiritualisé l'extraterrestre réalité, que mon mental est allergique à la spiritualité, il rejette ça, puis il rejette la réalité. Alors, dans les deux cas, parce que j'ai spiritualisé, je deviens incapable de voir la réalité. Ou je crois la réalité, ou je refuse la réalité, mais je ne peux pas voir la réalité. Si je dis à un individu qui est rationnel, je lui dis, écoute, selon toi, est-ce que tu penses qu'à travers les milliards et les milliards et les milliards de soleils qui existent uniquement dans notre univers, il y a seulement une planète habitée, la nôtre. La majorité des cartésiens vont dire non. C'est évident que si ça apparaît ici, comme ça, ça peut apparaître ailleurs, comme ça. C'est pas nécessairement toujours des unités carbone, comme nous autres, mais de la vie. Est-ce que ça se peut que ces personnages-là puissent être plus avancés technologiquement? Les cartésiens disent oui. Est-ce que ça se peut qu'ils viennent nous visiter? Là, 95% des cartésiens deviennent sceptiques et disent non. Pourquoi? Parce que si ça se peut, ils spiritualisent immédiatement, étant allergiques à leur propre spiritualité, ils deviennent allergiques à la réalité. Mais ils spiritualisent comment, là? C'est quoi qu'ils font? Eux autres, c'est qu'inconsciemment, là, ils aimeraient ça, ils espéreraient que les extraterrestres viendraient, ils se mettraient à genoux devant eux, ils aimeraient faire des échanges technologiques, puis là, on aurait mieux pour... Tu sais, on est une gang d'épais. Fait que si on avait contact avec extraterrestres, on aurait mieux. Donc, c'est des sauveurs. Et parce qu'il n'y en a pas question inconsciemment, il n'est pas question non plus qu'il vienne. Donc, de ce fait, je rejette et la réalité et ma spiritualité inconsciente. Alors que le spiritualiste conscient, lui, va attendre des extraterrestres. Alors que le spiritualiste, lui, inconscient, lui, ne voudra même pas se déplacer pour aller en voir une soucoupe que tu dis qu'il en a une, parce que c'est pas vrai. S'il va, il va tout le temps chez Hollande, puis la spiritualité remonte en même temps, il espère qu'il est vrai, parce qu'il espère qu'il va pouvoir, en même temps, il se trouve que c'est idiot que d'espérer que ce soit vrai. Puis là, il joue comme ça. Mais lui n'est pas un être neutre. C'est un être qui est confronté où ça se peut pas. En réalité, c'est que je ne veux pas que ça se puisse. Parce que si ça se peut, je vais me faire fourrer par ma spiritualité. Et je veux pas. Et ça crée des êtres qui sont cartésiens, qui deviennent intellectuels, qui de temps en temps ils peuvent aussi aller planter dans le plan mental. Le plan mental, il reçoit n'importe qui. Quelqu'un qui veut mentaliser en spiritualité, en religion, en égrégore, en extraterrestre, il est bienvenu au niveau du plan mental. Donc, il y a deux dangers de la spiritualisation. Le moindre moment qu'on commence à se conscientiser, parce que vous avez des tentacules, vous avez des canaux, des petits fils, qui vont se connecter un peu partout. Ils se connectent dans l'astral, ils se connectent dans le plastre mental, ils se connectent dans l'instantanéité, donc dans la réalité. À travers ça, on est nourri. On est nourri un petit peu du plan de la réalité, qui est une petite chose qui se passe, qui part d'un contexte planétaire. On est nourri dans l'astral qu'il y a des millions d'humains qui ont déjà pensé à la même affaire. Fait que là, on se dit, gars, j'ai un autre cave qui pense à la même affaire. C'est celui qui est spirituel, inconscient, ben là, il rejette automatiquement. Il coupe ce petit fil-là. Mais le spiritualiste, lui, est conscient, mais qui n'est pas conscient qu'il est dans une spiritualité. Lui, quand il touche ça, puis là, il voit qu'il y a des millions de personnes qui attendent après ça, ben là, il est tout content, lui. Là. Il est tout content, parce que premièrement, s'il y a beaucoup d'ego, il est tout content parce que c'est lui qui va y aller. Puis s'il n'y a pas trop d'ego de ce genre-là, il est tout content parce que ça. Le petit fil, lui, a l'impression que c'est 30 000 fils. Mais les autres sont tous connectés dans l'astral. puis il a l'impression que c'est 30 000 fils. Alors nécessairement, ce qu'il va voir, c'est plus la réalité non plus. Puis il se dirige là-dedans, tout content. Dans les deux cas, les individus vont se perdre. L'individu qui, à un moment donné, finit par abdiquer, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour abandonner totalement les mécaniques de religion, les mécaniques d'ésotérisme religieux, les mécaniques d'occultisme religieux, les mécaniques de psychologie religieuse, les mécaniques de médecine religieuse. C'est quoi la médecine religieuse? Ben, c'est Augustin, ouais, c'est une médecine religieuse. Bon, la psychologie religieuse, ça peut être la même chose. Écoutez, avouer du diplôme, non, ça peut pas être bon. C'est pas le rituel. Et toi, un prêtre, non, c'est peut-être pas en contact avec Dieu. C'est tellement évident. Alors, ça reste des religions, cela. L'individu qui abandonne ces choses-là arrive dans le plan mental. C'est le mental qui va lui permettre d'abandonner ça. Il peut rester pris dans le mental un bout de temps. Donc, il devient. Peut devenir un MTS. Il ne devient pas nécessairement. Il va souffrir quand même. Mais quand je parle de MTS, puis la majorité des transitifs vont être un petit peu martyrs. Mais quand je parle des martyrs de la transition, c'est ceux qui vont rester là un grand bout de temps. Eux, ils servent à prédigérer l'intelligence pour que le reste de l'humanité puisse en bénéficier. Mais dans ce plan-là, tu te nourris ni d'un bord ni de l'autre. Là. Tu te nourris plus, c'est ça. Tu joues, on t'entretient, on te défait, on te remonte, on te défait, on te remonte, on t'entretient. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'individu qui est là, normalement, il passe vers la conscience. Quand il passe vers la conscience, il recommence à goûter à des nouvelles choses, puis là, ça va réveiller les anciennes spiritualités qui sont cachées chez lui. Mais l'individu, normalement, il va devenir spirituel dans la conscientisation. Et en redevenant spirituel, autrement dit, c'est comme si tout à l'heure j'expliquais, il y a, on va dire qu'il y a 1 million d'individus qui, à un moment donné, vont passer à la phase mentalo-supramentale. Et à un moment donné, ils vont avancer un peu plus loin, ils vont se retrouver à la phase supramentalo-mentale, donc c'est un peu plus haut. Et là, ils vont respiritualiser ce qu'ils connaissent là-dedans, et ils vont redevenir des êtres spirituels de l'ère nouvelle. Sauf que ces êtres-là ne font pas partie de ceux qui vont être dans les 144 853 premiers transports. Pourquoi? Parce que l'individu qui est capable, à travers l'ascension au-delà du plan supramental, mais il reste un être humain, il va respiritualiser le contact supramental, s'il est capable de purifier la nouvelle spiritualisation pour l'anéantir et rester dans le plan supramental, eux, ces êtres-là, font partie des 144 000 premiers qui vont être transportés. Bon. Il y aura plusieurs vagues de transport. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Je manque de subtilité, là. Répétez ce que tu viens de dire. À partir de... Quand tu parles de... Ben, je me rappelle pas. Je vais répéter. L'être humain, il est... Je résume, puis c'est ce que tu veux que je résume, là, mais après ça, on pourra... Tu me diras où tu veux qu'on... Oui. L'être humain, il est spirituel. Mm-hmm. L'être humain devient mental, il rejette les spiritualités. L'être humain devenant mental, il rentre dans le plan supramental. Il y a un paquet d'handicaps, on laisse tomber. Il rentre dans le plan supramental. Rentrant dans le plan supramental, il se nourrit de nouveautés. Il se nourrit de ce que l'ego a toujours attendu. Et là, parce qu'il va s'en nourrir au niveau de sa conscience réelle, il y a des canaux qui vont automatiquement s'établir entre les scruteurs neufs, donc entre le neuf, entre l'ère nouvelle et l'ère ancienne. Puis l'ego commence à s'en nourrir. Et là, l'humain va recréer une spiritualité dans l'ère nouvelle à partir des vieilles expériences. Bon, c'est ce bout-là. Là. Et puis là, ce qui arrive, c'est que vu que l'humain va recréer cela, l'humain redevient spirituel. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 1 million de personnes qui vont à un moment donné en avoir ras-le-bol. Des religions passent au niveau du plan mental, arrivent au niveau du plan supramental, puis dans le million qui vient de faire ça, il y en a 144 000 qui ne retomberont pas dans le piège de spiritualité rendu là, puis eux vont continuer à traverser. La majorité des autres vont respiritualiser leur conscience. Mais comment ça se fait, ça, là? Donnez un exemple de c'est quoi qui va se passer. Comment ça se passe? La personne qui... La personne, par exemple, qui croit aux extraterrestres, elle aurait spiritualisé l'affaire. La personne qui propose extraterrestre, elle aurait spiritualisé la femme. C'est qu'à un moment donné... Ouais, mais jamais... moi, j'avais l'impression qu'elle n'avait jamais grimpé, cette personne-là. Elle n'avait jamais touché au supramental. Non, il faut faire attention. Il y en a énormément qui vont toucher au plan supramental, puis rendu là, ils vont retomber dans la spiritualité. OK, mais ce que je veux dire, c'est pas... Pour croire aux extraterrestres, t'es pas obligé nécessairement d'avoir grimpé. Même pas d'avoir passé le plan mental. C'est évident. Si t'es astral, si t'es spirituel, tu peux croire à n'importe quoi. Sauf que l'individu qui arrive au plan supramental, il peut croire aux extraterrestres parce qu'il s'est rendu compte que c'était vrai, mais lui, il croit. Il n'est pas capable de se respecter suffisamment. Il n'est pas capable de savoir que son discernement est valable. Alors, nécessairement, il ne peut pas savoir que les extraterrestres sont là. Il va croire que les extraterrestres sont là. Okay? Parce que ça lui fait plaisir. Ben, ça va nourrir une partie chez lui. C'est pourquoi il recrée une spiritualité, donc une religion, finalement. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'ego étant ce que l'ego est, il y a énormément d'individus qui ont la capacité de toujours se leurrer. C'est la spiritualité, encore une fois. de toujours se leurrer qu'ils ont compris telle chose, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Il y en a qui comprennent. Le spirituel qui comprend va dire, ah, ça veut dire que je ne comprenais pas, parce qu'il ne peut pas comprendre réellement ce que je dis. Il va y avoir du travail qu'on va faire. Non, hein, c'est 92, il y a des contacts qui vont se faire, c'est évident qu'il va y avoir des... Vois-tu ce qui est le maudit problème dans la conscientisation humaine actuellement? C'est un très, très, très mauvais temps pour vivre. Bon, les autres sont pires, mais celui-ci n'est pas tellement bon. La problématique, c'est que l'intelligence descend un peu partout, partout où elle peut. Fait qu'il y a de l'intelligence qui descend chez toi, puis qui ne peut pas être utilisée partout. Ça descend comme ça partout. Mais c'est pas utilisable par l'individu qui le reçoit. Alors, l'intelligence, il y en a tellement partout que ça va créer, que ça crée un mélange assez intéressant de tout ce qui peut être religieux, ésotérique, spirituel, apocalyptique, prévisionnel, prophétique, etc. Ça crée un mélange. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a des individus qui, à cause qu'ils ont été touchés par de l'intelligence à un moment donné, mais c'est exactement comme si ces individus-là avaient servi de réservoir d'intelligence le temps que quelques individus s'émancipent suffisamment pour aller rechercher l'intelligence qui était là-dedans. Pour aller chercher l'intelligence dans les individus qui en ont reçu, parce qu'ils étaient des gardiens d'intelligence, des individus qui avaient une grande partie de leur cerveau qui ne servait à rien. L'intelligence est venue là-dedans. Ça a perturbé un peu leur contact, le petite chose. Puis à un moment donné, il y a un individu qui va arriver par là. Ces personnes-là vont nécessairement rencontrer ces individus-là. Puis ils vont se faire fractionner, ils vont se faire taper dedans énormément. Puis ça va briser une partie de l'ego, ça va libérer l'intelligence qui est dans l'individu. Puis là, la personne qui servait à briser comme ça va récupérer l'intelligence qui était prise dans l'individu. L'individu perd l'intelligence, mais devient assujetti à celui qui l'a libéré. Et l'individu va donc devenir intelligent apparemment autant que l'autre, tant que l'autre reste dans son entourage. Parce que si l'individu s'éloigne après, l'individu redevient ce qu'il était avant, puis ça finit là. Bon, une chose. Et là, une personne peut dire, ça veut dire que tabarouette, d'abord, je n'irai pas voir personne parce qu'ils vont me voler de l'intelligence que j'ai chez moi. Bon, vous pouvez faire ça si vous voulez. C'est pas grave. Vous allez de toute façon finir par aboutir devant lui. Parce que l'intelligence qui vous habite n'est pas votre intelligence, mais la sienne. Donc, c'est exactement comme tu dirais, écoute, moi j'ai un galon de. J'ai un gros réservoir de carburant diesel, puis je le garde. C'est à moi. Ton auto marche à essence, elle marche à l'essence. Tu n'auras jamais besoin du carburant diesel. Mais tu décides que tu le gardes parce que tu es un égo mental très égoïsé qui décide qu'ils ne seront pas volés le carburant qu'il y a eu. Tu n'en serviras jamais non plus. C'est pas à toi. Puis la problématique, c'est que tant que tu gardes ton réservoir plein de carburant diesel, on ne pourra jamais le remplir d'essence. Donc, ça devient absolument sine qua non que tu rencontres à un moment donné un individu particulier. Moi, j'en suis un. Et que cet individu-là parvienne à extirper l'intelligence que tu as chez toi, l'intelligence qui ne t'appartient pas, mais qui lui appartient. Puis quand c'est fait ça, là, tu te ramasses avec un trou, mais qui est opérationnel, alors qu'avant d'avoir l'intelligence chez toi, l'intelligence qui ne t'appartient pas, ce trou-là était inopérationnel. Donc le fait que l'intelligence descend rend une partie de ce que tu es opérationnel, mais parce que l'intelligence qui t'habite n'est pas la tienne, tu ne peux pas t'en servir. Donc, tu vas être capable, au travers de l'antenne collective, par exemple au travers de moi, de te servir de mon intelligence pour arriver à comprendre des choses que je comprends. Et ça, ça va faire en sorte de rendre très efficace toute la structure cérébrale chez toi qui ne peut pas, qui ne fonctionnait pas. Mais à un moment donné, moi, je récupère mon intelligence. Au fur et à mesure que je suis capable de supporter, donc au fur et à mesure que moi je grandis, je récupère. Et quand je récupère, l'individu devient assujetti à moi. Puis quand l'individu devient assujetti à moi, dans les stratégies normales, je devrais briser l'individu pour qu'il s'écœure de moi et qu'il s'en aille. Bon, moi, je ne fais pas ça. Une autre personne fait ce travail-là, chacun son travail. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour graisser ton ego en masse, pour te tromper en masse. Puis quand tu es suffisamment trompé, tu te prends suffisamment au sérieux, tu te ramasses dans un mur de béton à 200 000 $, là, tu te fractionnes en 1000 morceaux, puis là, tu ne comprends plus rien. Là, tu deviens assujetti à l'individu, puis quand tu es assujetti à l'individu, c'est son intelligence qui dirige toute ta vie au complet. Tes idées, tes décisions, tes investissements, tout au complet. Puis quand tu as suffisamment été en contact avec l'individu, à un moment donné, parce que lui va avoir rendu opérationnel tes structures d'intelligenciation, ton intelligence va commencer à venir à vouloir descendre là-dedans. Mais pour que ton intelligence descende là-dedans, il va falloir qu'elle soit suffisamment forte pour repousser l'intelligence de l'autre, ou que toi, tu sois suffisamment fort, ce qui n'est pas le cas au niveau des égos humains, pour repousser le contact spirituel que tu as avec l'autre, avec l'antenne collective. Puis, à un moment donné, ça va se faire, l'intelligence va devenir suffisamment bourdonnante à ton oreille qu'elle va être capable progressivement de repousser la présence de l'autre. Et là, normalement, tu fuis l'autre ou tu deviens l'allié de l'autre. Mais quand tu deviens l'allié de l'autre, là, c'est parce que l'autre a dit que tu étais son allié. Là. C'est pas toi qui as décidé que tu étais de l'allié ésotérique de l'autre. Puis que lui, il sait pas, mais c'est normal, etc. Là, tu es encore dans la spiritualité, tu te donnes un poste. Ça, c'est une chose. Mais c'est un gros problème. Les deux mécaniques, c'est la même chose, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. Moi, la mécanique que j'exprime, c'est une mécanique où, au lieu de travailler l'ego des personnes, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lentement retirer mon intelligence de chez toi, tout en m'arrangeant pour faire entrer la tienne. Alors, au lieu de travailler ton ego, ce que moi, je fais surtout avec les individus, c'est que je vais émanciper leur intelligence. Ça semble plus long. Pourquoi? Parce que tu as moins de perturbations sur l'instant. C'est beaucoup plus subtil. Et au lieu de travailler dans des régions où il y a de l'expérience mémorisable, par exemple, si je travaille au niveau de l'ego puis je grimpe ton ego, tu as l'impression que ça marche en maudit. Quand tu te casses la gueule, tu as l'impression que ça marche en maudit. Moi, ce que je fais, c'est que je retire mon intelligence et on met de la tienne. OK? Ça crée des mutations, mais c'est pas endocrinienne. Donc, tu vois pas trop qu'il se passe quelque chose. Mais progressivement, l'individu devient désassujetti de mon contact, il devient de plus en plus centré dans son contact, et il peut devenir un ami. Mais quand je parle d'ami en termes d'allié aussi. Sauf que l'alliance que j'ai, c'est une alliance qui peut être bénéfique du point de vue des structures énergétiques. Autrement dit, il y a deux façons présentement d'arriver à avancer. Les deux façons sont extrêmement bonnes. Puis quand je disais tout à l'heure que ça crée des problématiques au niveau planétaire, c'est qu'il y a tellement d'intelligence partout qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas dire à quelqu'un « Écoute, t'es intelligent, toi là, ben fais donc quelque chose. » C'est même pas son intelligence. Il est beau être intelligent. Il va être intelligent s'il est près de toi. Il peut pas être intelligent s'il n'est pas près de toi. Pourquoi? Parce que là, il est normal. Il est naturel. Avant que l'intelligence descende chez lui. L'intelligence est descendue chez lui, mais il ne peut pas rien faire avec. Fait que s'il est près de l'antenne où l'intelligence est venue se placer, s'il est près de moi, par exemple, il va être capable de se servir de mon intelligence. Puis quand je parle de mon intelligence, j'en parle pas d'une façon possessive, je parle simplement en termes de coloration. C'est un peu comme vous rencontrez, pas d'un exemple du passé, Henry Ford. Henry Ford, c'était un génie, il était relié à certaines mécaniques au niveau des sphères astrales, dirigé par une seule mécanique d'intervention qui est supramentale. Henry Ford, lui, ce qu'il faisait, c'est que les individus dans son entourage devenaient des brillants administrateurs, des brillants créateurs, des brillants, etc. Mais eux, ils exprimaient la créativité d'Henry Ford. Ils exprimaient l'administration d'Henry Ford. Quand Henry Ford est mort, c'était toute une aventure. Si on parle d'Aurobindo, c'est la même chose. Les individus qui sont près d'Aurobindo sont absolument merveilleux, ils comprennent tout, puis ça marche, ma belle. Hein? Près de Pondichéry, l'ashram que lui l'avait créé, ça fonctionnait. Quand Aurobindo est mort, mère essaye de reprendre dessus, mais mère, c'est pas pire. Elle s'en va, ça te prenne, ça sac son camp tout de suite. Il n'y a personne qui en veut. Et puis, c'était le plus grand têteux, c'était correct. Mais c'est celui qui absorbait le maximum d'énergie d'Aurobindo puis de mer pour pouvoir l'européaniser. Alors, c'était correct au niveau de la mécanique. Sauf que là, après ça, tout s'effondre lentement parce qu'il n'y a plus rien. Parce que le bonhomme n'étant pas là, les gens se servaient de l'intelligence d'Aurobindo. Les gens se servent de mon intelligence. Et pour qu'une personne se serve de mon intelligence, il faut qu'elle me côtoie souvent. Quand je parle souvent, il faut qu'elle me côtoie de temps en temps. Et c'est pourquoi certains MTS, que j'avais déjà expliqué ça, les parties de la transition supramentale, à un moment donné, ils finissent par se détacher de celui qui les a mis en contact. Et ils vont devenir des mentalisateurs, ils vont devenir des personnes souvent très comme brisantes de forme, et ils vont normalement parler contre l'antenne qui les a connectés. Sauf qu'une fois par 6 mois, ils vont quand même devoir assister à une conférence de l'autre, pour être capable de se faire monter par l'autre un peu. Parce que c'est l'intelligence de l'autre qui les habite, c'est pas la leur. Et ça fait partie des martyrs, parce qu'à un moment donné, tu vas voir que tu comprends plus rien. T'as en mémoire tout ce que t'as gueulé. Mais ça t'a assez. Tu le dis toi-même, tu te nourris pas quand t'es là. Alors, ce qu'il faut comprendre présentement, donc, c'est qu'il y a deux mécaniques. Il y en a une où je reprends ce qui est à moi et puis je permets en même temps de faire entrer ce qui est à l'autre. Ça ne fonctionnera pas avec la majorité des humains. C'est ça qui est le gros problème, c'est que la majorité des humains auront besoin, un besoin fondamental, de se faire travailler l'ego, puis de se faire rentrer à 200 km à l'heure, disons, on dit 320 km à l'heure, dans un mur de béton. La majorité des individus auront besoin de se faire maltraiter par l'intelligence et de se faire maltraiter par la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'ego pour parvenir à accepter d'être patient. Et les individus qui ne sont pas patients, c'est des individus qui vont immédiatement créer des spiritualités. C'est évident qu'à un moment donné, je vais en briser des formes un petit peu comme ça, des individus qui en ont besoin. Mais on va faire ça amicalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement d'intelligence qui est répartie partout sur la planète. L'intelligence qui est répartie partout sur la planète présentement n'appartient pas à un paquet de monde. Et ça n'appartient pas à un paquet de monde. Et les individus qui sont investis d'intelligence ont l'intelligence d'un autre. C'est ce qui les amène à rencontrer l'autre à un moment donné. C'est évident qu'à un moment donné, vous avez de l'intelligence qui part chez vous, vous vous promenez, puis là vous entendez parler de quelqu'un qui est peut-être une antenne collective, vous allez la voir. c'est les gens avec. Vous venant, vous allez de cette conférence, de son séminaire. Et puis, ça veut pas dire que vous êtes associé à lui. Ça veut dire que, vous êtes, que votre intelligence n'est pas la vôtre. Ça peut être la sienne, ça peut ne pas être la sienne. C'est pourquoi il y a la majorité des personnes, à un moment donné, vont se retrouver à faire deux séminaires. Bon, pourquoi? Parce qu'ils cherchent. Puis à un moment donné, là, il y a des individus qui vont comprendre plus facilement. Il y a des personnes aussi qui ont l'énergie, qui ont l'intelligence des deux. Tu sais, qui ont la mienne, puis qui ont une autre sorte d'énergie. Et puis à un moment donné, ben, ils vont se faire récupérer des deux côtés, sauf qu'il y en a un qui va grimper l'ego en même temps, puis l'autre, il va simplement faire en sorte que l'intelligence propre de l'individu pénètre en même temps. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'humain spiritualise énormément, puis pourquoi ça complète toute la mécanique au complet, c'est que l'humain est présentement dans un charabia absolument phénoménal, parce que l'humain est assujetti à de l'intelligence qui ne lui appartient pas. C'est ça que je voulais dire. OK? Vu que l'humain est investi d'une intelligence qui ne lui appartient pas, ben, il essaie de comprendre, il essaie d'y aller, il essaie de venir, puis à un moment donné, il s'émancipe un petit peu. Quand il s'émancipe un petit peu, c'est parce que son intelligence à lui commence à pénétrer dans ses neurones. Mais là, il y a son ego en même temps qui prend le pouvoir. Là, l'ego va commencer à obstiner l'antenne collective. Avec le peu d'intelligence qu'il a, il va essayer de contrer l'intelligence de l'autre. Moi, c'est l'ego. Parce que l'ego, il se dit, crime, là, ça amène un petit peu ça. Là, non, c'est pas ça, j'ai raison, puis là, il va, tu sais. Mais si moi, je peux le faire, je ne le fais pas encore présentement. Je l'ai fait quelques rares fois avec quelques individus qui étaient dangereux. Mais normalement, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va simplement ajuster le canal de l'autre. Fait qu'il se débranche de son intelligence, puis ça branche à la mienne. Fait que là, il m'obstine. Il est d'accord. C'est facile. Mais je ne le fais pas parce que. Pourquoi il y a tellement de personnes qui peuvent m'obstiner? Il y a du monde, à un moment donné, qui disait « Comment ça fait, Daniel, que tu t'entoures d'un paquet de gros égos épais? » Écoute bien, tu sais, je suis sûr que je pourrais aller brancher tout le monde au complet, puis là, tout le monde les le gros égo qui pose la question, il aurait l'impression que c'est correct. Mais parce que lui, il est dans une phase pénible, ben là, il me dirait simplement « Comment ça fait que tu es entouré de personnes qui te suivent comme ça? » On mentalise comme on peut, on a toujours raison quand on mentalise. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que l'être humain qui fit son ascension va passer nécessairement par... Tu sais, quand j'expliquais en séminaire, ton canal, à un moment donné, ton ajusteur de pensée, bon, il se libère. Hein? Il se libère ou je le libère, puis il flotte dans le plan moroncial, à un moment donné, il rentre dans le plan astral. Là, en montant dans le plan astral, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige directement vers l'égrégore, celui qui l'aura déconnecté du canal réincarnationnel, donc de celui qui l'aura rendu libre. Là, il va se connecter à l'égrégore supramental, par exemple, de Daniel Kemp. L'individu commence à parler comme moi. Et moi, j'explique aux gens, c'est pas grave, c'est correct. Tu parles comme moi, c'est correct. Et puis, à un moment donné, quand tu auras tout fait ce que tu auras dit comme moi, là, ben, ton canal va continuer à monter tout seul, puis là, tu vas aller chercher de l'intelligence. Quand tu vas te relier à cette intelligence-là, tu vas commencer à te remplir de ton intelligence, de ton énergie. Moi, je vais progressivement rapatrier la mienne. J'expliquais pas ça là, c'était pas nécessaire. Bon, dans le séminaire, c'est pas tout bon. Et puis, l'individu progressivement finit par se sentir dans son intelligence. La problématique, c'est que l'individu peut spiritualiser les choses. L'individu, par exemple, qui spiritualise l'amitié. Il y a deux sortes d'amitié. Il y a l'amitié qui est une condition d'alliance énergétique intelligente. Si c'est intelligent, c'est donc esthétique. Si c'est esthétique, c'est donc parfait. Et il y a l'amitié qui est la copie conforme dans l'astral, dans l'émotivité, dans le cœur de l'homme, de cette même mécanique où il va dire « Oui, mais si on est allié, ça veut dire que je peux pas te tromper. » Mais non, si tu ne me trompes pas, c'est évident. On est donc amis. Et oui, c'est évident qu'on est amis. Puis là, c'est tellement pareil. Sauf que les alliés, les amis de l'ère nouvelle, ne manipuleront jamais l'individu pour que l'individu le serve. Tandis que les amitiés de l'ère ancienne ne font que ça, manipuler les individus pour que les individus les servent. L'amitié de l'ère nouvelle va faire en sorte que pour être un ami, un allié réel dans l'ère nouvelle, tu vas être totalement désinhibé avec toi-même. Donc, tu n'auras pas besoin de la présence de quelqu'un pour te nourrir astralement. Tandis que dans la transition, c'est essentiel. Dans la transition, l'humain a besoin du contact affectif avec d'autres individus de même connivence intelligente pour parvenir à supporter leur corps physique. Je vais vous expliquer ceci. Des points qui sont intéressants à comprendre. Vos corps physiques ne sont pas suffisamment solides pour supporter le contact avec l'intelligence. Il n'y a pas un corps physique ici, moi compris, qui est suffisamment solide pour supporter un contact pur avec de l'intelligence. Chaque fois que l'intelligence descend chez l'être humain, elle magane son corps physique. Elle le détruit. Le détruisant, elle le rend malade. Donc, elle le rend malade, elle le rend asthmatique, elle le rend emphysémateux, elle le rend cardiaque, elle le rend neuronite, elle éclipse le paquet de phénomènes. Elle attaque le corps vital, elle attaque le corps astral. En attaquant le corps astral, ça peut forcer le corps astral à faire des conneries totales qui vont l'envoyer en prison, qui vont l'envoyer carrément dans la rue, qui vont, etc. Parce que l'astral essaie de puiser de l'énergie pour plus de contact. Fait que là, on dit que c'est l'intelligence qui fait ça. L'intelligence, ça fait pas ça, elle laisse faire ça, parce que quand l'humain va tellement être écœuré, d'être écœuré de lui-même, dans ses structures astrales évolutionnaires, il va finir par se brancher à quelque chose d'autre. Bon, il va se suicider, puis s'il se suicide, ben c'est idiot, parce qu'on va le lancer sur sa planète aussi vite qu'il va être mort, dans un contexte un petit peu plus pire. Avec des limitations pour qu'il ne se suicide plus. Ben, il va souffrir un peu plus. Bon. En tout cas. Non, je parle pas de plus. Bon. Non, mais il y a de quoi qui m'a... Ouais, je sais, c'est ça, mais c'est ça. Mais de façon, vois-tu, c'est quand... Il y a bien des choses comme ça, là, qui vont être nouvelles. Il faut que les gens comprennent. J'ai suggéré dernièrement à plusieurs personnes de refaire le prochain séminaire. C'est pas pour rien non plus. Il y a des choses, c'est le temps qu'on ajuste parce qu'il y a des individus qui sont suffisamment prêts. Là, je reviens donc simplement sur l'importance, le fait que les corps physiques sont pas capables de supporter le contact avec l'intelligence. Mon intelligence, elle est douce. Bon, fait qu'elle rentre, puis elle dérange pas trop. Dérange un petit peu. Pas trop. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'elle va détruire les individus de la même façon qu'elle peut détruire mon corps physique, puis dépendamment des égos, ça peut s'exprimer d'un paquet de façons. Quand je parle détruire de la même façon, c'est que le processus de départ est le même, mais dans l'expression corporelle ou... Quand je parle corporel, je parle des corps inférieurs, ça veut dire du plan mental au plan physique, c'est pas nécessairement la même chose que moi. Donc, moi, j'ai la capacité d'aller me brancher énergétiquement dans un autre monde pour aller chercher de l'énergie, pour me restructurer, ce que j'ai fait, bon, début de cette année, etc. Et ce que je fais de temps en temps. Il y a des individus qui, eux, ne peuvent pas supporter de l'intelligence autrement que s'ils sont totalement déconnectés dans leur affectivité du monde extérieur. Ce sont des individus qui ne seront pas nécessairement gelés dans le plan mental, mais qui vont exprimer une structure qui ressemble énormément à un individu gelé dans le plan mental. Ça, c'est un individu qui n'a pas la capacité planétaire de vivre l'amour pour lui-même, de vivre l'amour d'un autre. C'est un individu qui sera débranché à ce niveau-là pour être capable de supporter l'intelligence d'un autre. D'une antenne collective, progressivement la sienne. L'individu est débranché au niveau de l'intérieur, donc l'individu au niveau de l'intérieur ne doit plus penser. Progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, ça commence, l'individu de l'intérieur n'est plus capable d'apprécier les mécaniques qui sont exprimées par ce que j'appelle l'amour instantané. Parce que si l'humain touche à l'amour instantané, immédiatement, il part en morceaux, il se détruit complètement. L'intelligence doit le déconnecter de là, sans ça, l'humain va brûler au complet. Bon. Il y a une autre façon, donc, avec d'autres humains, on va s'arranger pour que l'intelligence puisse descendre sans détruire le corps physique. On va s'arranger pour débrancher l'humain sur certaines structures au niveau de son mental, plutôt que des structures au niveau de son astral. On va débrancher l'humain sur certaines structures au niveau de son mental, ce qui va faire en sorte que l'humain aura une plus grande difficulté à exprimer de l'autorité. Alors que l'autre aura une plus grande difficulté à exprimer le fait qu'il est en synergie vibratoire avec quelqu'un. Donc en énergiopathie, on pourrait dire en affection. C'est pas de l'affection comme l'humain vit, là, mais en énergiopathie. Donc il y a présentement deux branches d'humain. L'un est déconnecté au niveau de son mental, il aura plus de difficulté à avoir de l'autorité, il sera le plus sous. Bon, au niveau des plans, au niveau des sphères, il saura, mais il pourra pas. L'autre, lui, on le déconnecte au niveau des sphères astrales, pour le préserver, alors, mais par contre, lui ne peut plus être capable de vivre une énergiopathie. Autrement dit, c'est que pendant une période de transition, on recrée deux sexes. Okay? On recrée deux sexes, pas dans le sens sexuel, mais on recrée deux polarités, où on avait dans le corps physique, par exemple, la femme, elle est receveuse, l'homme, il est donneur, puis ils ont des corps physiques qui démontrent bien ce que je vais expliquer. Au niveau de l'évolution, c'est un peu la même chose, c'est qu'au niveau du plan astral, maintenant, c'est pas l'homme, la femme ou l'enfant qui sont séparés. Il y a une partie de l'humanité qui devient polarisée, on va dire Y, devient polarisée d'une façon où cet individu-là est déconnecté du point de vue de l'alimentation astrale, donc il ne peut pas vivre dans l'amour instantané une énergiopathie avec autrui, même pas avec un paysage. Il va être capable de la vivre uniquement s'il la prononce. Et que c'est beau. Là, c'est que c'est beau. Il se nourrit. Sinon, il n'y a rien. Sinon, c'est idiot. S'il n'y a rien. Là, tu vas dire, hey, tu as vu comment c'est beau? Il va trouver que t'es pas correct. Ça, c'est sûr qu'ils sont déconnectés du plan astral. Ils deviennent... Par contre, mentalement, ils sont beaucoup plus puissants que toi. Ils sont dans le plan mental... Non. Ils vivent une expression qui ressemble à quelqu'un qui figé un plan mental parce qu'on les a déconnectés au niveau de l'aide du contact avec l'amour instantané. Donc, ils sont pas figés dans le plan mental, mais leur expression ressemble à un individu figé dans le plan mental. Ça va être bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, oh, ben, bon. Ces individus-là touchent quand même. OK, ils touchent un peu le plan supramental aussi. Bon. Ils touchent le plan supramental, okay. Mais c'est pas nécessairement leur intelligence. OK? Non, mais ils touchent le plan supramental. OK. Et tu as l'autre sexe, mm-hmm. On va dire les X, qui eux sont déconnectés au niveau du plan mental de certaines façons, ce qui va les amener à avoir moins d'autorité. Ces individus-là seront donc beaucoup moins fracasseurs de forme. Ils seront donc beaucoup plus doux. Mais quand tu parles d'autorité, l'autorité. Par exemple, avec l'astral ou avec des humains ou... Avec l'astral, donc avec des humains, avec l'astral, avec les dieux, avec les égards, avec les ajusteurs de pensée, avec les ouais, excédents, okay. Bon. Et cet individu-là, par contre, ils sont capables de vivre des contacts énergiopathiques. La problématique, c'est que ceux qui vivent du Y, ceux donc qui ne sont pas capables de vivre de contacts énergiopathiques, mais par contre sont branchés au niveau de l'expression mentaloïde, ça qui ressemble aux sphères mentales, donc celui qui exprime une expression mentaloïde, lui, par contre, son gros danger, c'est d'un moment donné de rester totalement pris dans la mentalisation. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de pénétrer dans l'ère nouvelle, sans se rendre compte qu'il est dans l'ère nouvelle. Puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il crie, puis il gueule, puis il met de l'or, puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il en jette plein d'affaires. Il voit rien, il peut pas rien, il peut pas bénéficier de rien. Il avance. L'autre, eux, sont pas capables de mettre de l'ordre encore. Il y en a qui vont le faire, il y en a évidemment qui vont être capables de se brancher prochainement. Puis quand je dis il y en a un, capable de brancher prochainement pour être totalement androgyne, donc plus sexué, il va être capable. Mais la majorité des individus ne sont pas capables de mettre de l'ordre, donc vont nécessairement passer légèrement après les autres. Et en passant après les autres, eux sont capables de vivre des contacts énergiopathiques, ce qui va faire eux, c'est le premier, ceux qui passent en avant, les sexués Y, ils gueulent, ils chiolent, ils placent des formes, puis eux sont capables d'avoir de l'autorité dans l'astral. Autrement dit, toi, tu te fais attaquer par l'astral, puis tu veux t'en sortir, là, pas capable, tout à fait. À un moment donné, il y en a un de ceux-là qui le sait, là, lui, il te lâche un de ses gros sacs en haut, puis ici, il te laisse en bas direct. Par contre, lui, il voit pas ce qu'il fait. Toi, tu arrives en arrière, tu vas tout voir ce qu'il fait. Mais... La grosse différence, là, c'est comme j'expliquais à un moment donné, c'est qu'on rentre, disons, dans l'ère nouvelle, puis l'ère nouvelle, c'est une grande pièce avec un bain tourbillon. Les premiers qui rentrent, ils rentrent là-dedans, les autres, ils voient pas de bain tourbillon, mais ils en cherchent un bain tourbillon. Ils traversent, ils se promènent dans la pièce, puis ils gueulent, puis ils chiolent, c'est pas correct, etc. Là, les autres, l'autre, le sexe X, quand ils rentrent, ah, il voit le bain tourbillon. Il voit que le bain tourbillon est prêt. Il est plein d'eau, puis ça va parfait. Puis il va rentrer dedans, il va se baigner dedans, il va être bien, puis les premiers rentrés n'auront rien vu encore. Puis à un moment donné, quand il y aura suffisamment, mais les premiers rentrés, c'est pas la masse. La masse, ça va rentrer de l'autre façon. Les deuxièmes qui vont rentrer par la suite, ça va créer suffisamment d'interactions à un moment donné pour atténuer. Puis les individus ici qui sont rentrés de sexe Y vont finir par avoir des corps suffisamment solides pour être capables à un moment donné de devenir androgynes aussi. Alors l'androgyne, c'est pas unique. L'humain devient androgyne au niveau des sphères astrales à un moment donné, c'est-à-dire que pour lui, un homme, une femme, un enfant, c'est la même chose. L'humain devient androgyne au niveau des sphères mentales, c'est la même chose. L'humain devient androgyne progressivement au niveau des sphères supramentales. Mais la sphère supramentale, mentalo-supramentale, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Parce qu'il y a, à cause des faiblesses corporelles, deux façons de recevoir de l'intelligence. Maintenant, la problématique là-dedans, donc, c'est qu'il faut absolument que l'humain comprenne dès le départ. Si l'humain fait une religion avec sa façon d'avancer, il ne comprendra jamais l'autre. Il va dire, ouais, mais eux sont mentaux, les autres sont épais, les autres sont ci, les autres sont ça, les autres sont spirituels, les autres sont émotifs, les autres sont etc. Sauf que ce qui va arriver souvent, c'est que les deux sexes vont spiritualiser. Puis religiosiser leur mécanique. Il y en a un qui va faire une religion, la religion mentale, l'autre va rester dans une forme de religion mentale aussi. On aura deux clans, deux religions, qui vont peut-être même à un moment donné s'affronter au niveau de la parole. Ils font pas la guerre parce qu'ils sont suffisamment intelligents. Sauf que sont reliés à du monde suffisamment intelligent. Sauf que ce qui arrive simplement, c'est que les individus auront une grande difficulté, tant qu'ils resteront religieux, à être capable de changer de point de vue pour être capable de voir dans l'absolu l'efficacité puis l'intelligence et l'utilité des mécaniques qui se passent ailleurs que dans leur monde des autres, donc ailleurs que dans leur plan de conscientisation. Bon, ça c'est correct, il y a une intelligence qui englobe tout ça, le rôle de chacun, mais ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'il y en a un qui vit quelque chose, qui veut rire. J'ai l'impression qu'il y en a un qui ne profite pas de la vie. Ça c'est ce qu'on appelle spiritualiser une vision. C'est ça le danger de la spiritualité. Mm-hmm. Parce que là, c'est une spiritualisation où, dans le facteur émotif, on va souffrir du fait qu'un autre n'a pas accès à ce qu'on a. Premièrement, refus de s'aimer, donc médiocrité, donc culpabilité, donc le fait que moi, comment ça, je l'ai, l'autre, il ne l'a pas. Ça crée des mécaniques qui vont faire en sorte que l'intelligence de l'individu va être colorée par cette mécanique-là. Puis étant colorée, l'intelligence de l'individu ne pourra plus voir l'intelligence de ce qui se passe. On va trouver ça pas intelligent. Capable de reconnaître que c'est intelligent. Dans la parole, mais en dedans, il l'a pas reconnu. C'est comme, par exemple, toi, tu es brillant dans ta famille, donc les autres, il faut s'attendre à ce qu'ils soient beaucoup moins brillants. Mm-hmm. OK? Ah, ben, c'est stupide. C'est comme ça. C'est sûr que si tu spiritualises trop la mécanique, ça devient stupide, puis presque souffrant. Mm-hmm. Pas d'une souffrance à prendre des pilules, mais une souffrance à faire une colère. Sauf que ta colère sert à rien parce que tu souffres inutilement d'une mécanique qui n'est pas souffrante. C'est parce que de quoi tu n'as pas compris à ce moment-là? C'est parce que tu as spiritualisé ta conscience aussi. C'est juste ça. C'est sûr que j'ai déjà expliqué que de subtilité, on irait à des subtilités encore plus subtiles, puis que finalement, on se remonte dans des subtiles subtilités. C'est parce que là, on retombe dans la mentalisation. La mentalisation parfait. Va porter ta spiritualité. Surtout. Parce que de la façon dont je t'ai parlé, je ne mentalisais pas. De la façon dont tu m'as parlé, tu mentalisais spirituellement. Mais toi, tu ne mentalises pas, t'expliques. C'est ça. Point. Moi, je vois que la lampe est allumée. Elle est allumée. Oui, mais c'est très bien, ce sera jaune. C'est pas jaune. T'sais, ça sert à rien de. Je mentalise. Là. Mais mentaliser, c'est de prendre parti pour ce que tu dis. Oui, puis de te servir, puis d'avoir raison. Tout ce que tu vas me dire, je suis totalement d'accord. Mais je sais, moi, que tu as tort. Mais dans le point de vue où tu parles là, vu que tu mentalises, tu as raison absolue, il n'y a rien à faire. Faut que toi, tu comprennes que tu as tort ou que j'ajuste le... Mais là, je comprends pas pourquoi, dans une façon de se conscientiser, il est important de... Ben, je le comprends, mais... Mais tu veux pas. C'est parce que s'il y a... La religion chez toi veut pas. C'est drôle parce que j'ai fui la spiritualité... C'était l'affaire la plus stupide que j'ai trouvée. Ce que je trouve qui marche pas, c'est que là, je suis obligé de me rapprocher des gens qui m'entourent, puis profiter d'eux autres pour me nourrir finalement, pour que mes différents corps soient exact. Stables. N'est-ce pas? Mais t'as tout compris. Ta religion veut rien savoir. Mais t'as tout compris. Non, mais je suis bien d'accord avec ça. Par contre, l'avantage, c'est que. T'es en contradiction avec. Non, c'est pas en contradiction avec rien, parce que ce qui va arriver simplement. Mais c'est un point de vue limité, en tout cas. Ce qui va arriver, regarde bien. Si tu rencontres quelqu'un pour le têter parce que t'en as besoin pour restructurer ton corps physique, parce que l'intelligence qui t'appartient pas le démolit. En résumé. T'as peu. Mon intelligence démolit quoi? Ton corps physique. OK. OK. Ton intelligence qui t'appartient pas démolit ton corps physique. Et puis. Là, tu te dis, m'aller têter quelqu'un. T'sais, mais là, je prends son énergie pour restructurer mon corps, oui. Si, mais tu ne pourras pas te nourrir de l'énergie de quelqu'un qui n'est pas dans une démarche d'intelligence. Mm-hmm. Donc, si tu te nourris de quelqu'un qui est dans une démarche d'intelligence, ça voudrait nécessairement dire que lui pourra se nourrir de ta présence. C'est là que tu engendres une synergie. Ce qui fait que c'est totalement correct. Ou tu peux te plaindre, toi, c'est que oui, mais il y a des individus avec lesquels j'aimerais peut-être me nourrir, que je ne suis pas capable parce qu'ils ne sont pas du même sexe que moi. Ils sont Y du point de vue du plan supramental, ouais. Et moi, je suis X. Mm-hmm. Ben oui, mais pourquoi absolument vouloir te nourrir d'un individu que tu ne peux pas te nourrir? Ça devient la religion. Ça fait partie des mécaniques de sauvetage de l'humanité. Il faudrait que tout le monde, les musulmans, ils vont casser la gueule aux chrétiens uniquement parce qu'ils veulent les aider. Enfin, pour les amener avec eux autres, parce qu'ils les aiment. Bon, mais c'est une religion. Il faut arriver à comprendre des mécaniques. Il faut savoir que l'autre ne souffre pas ce que toi, tu souffrirais si toi, tu étais à sa place avec la conscience que tu as là. Mais la religion ne voit pas ça, elle. Le musulman, elle se dit, pauvre chrétien, de souffrir en maudit. Tu sais, il meurt, puis là, il reste là, pff, il attend. Purgatoire, combien d'années. Jusqu'à temps qu'à quelque part, à un moment donné, on le ressuscite. S'il serait musulman, paf, il meurt direct à côté de là. Fait que tu souffres de voir comment ils sont mal pris. Pourquoi? Parce que tu es spirituel, tu veux sauver l'humanité. Mais ça vient d'où, ça? À l'astral, ça vient d'où, ça? Changeons pas de sujet, ça va être trop long, mais c'est ça. Si, par exemple, si je refuse de me nourrir d'une personne que je sais qu'elle se nourrira pas de moi à cause qu'elle ne comprend pas certainement... Mais ce que je veux savoir, c'est-tu la spiritualité? Si je refuse, par exemple, de m'alimenter de quelqu'un... Oui, c'est de la spiritualité. Il faudrait que tu branches ton canal de façon à la forcer à se nourrir de toi si elle est prête à se nourrir de toi. Mais parce que toi, tu fais partie du sexe X, tu n'as pas suffisamment d'autorité dans l'astral pour être capable de brancher son canal. Il faudrait que tu, comprennes qu'il faudrait que tu branches ton canal. Tu rencontres quelqu'un qui est dans l'intelligence, qui est bien correct. Tu veux te nourrir de cette personne-là? Mais mettons qu'il n'est pas dans l'intelligence. Tu ne voudras pas t'en nourrir. C'est la question qu'on se pose même pas. Ou qu'elle l'est, qu'elle ne sait pas. Elle l'est ou elle l'est pas? Elle l'est, mais elle, là... On s'en fout ce qu'elle sache ou pas. Moi, je te dis, tu vas pouvoir te nourrir d'une personne qui est dans l'intelligence. C'est sûr qu'astralement, la journée où tu te fais ramasser, tu vas décider qu'elle est dans l'intelligence parce que tu as un concept qui te fait dire qu'il faut que tu te nourris seulement de ceux qui sont dans l'intelligence. Mais tu te rends compte très rapidement à sa saveur que c'est pas cuit assez. Donc, tu te nourriras pas longtemps, il n'y a aucun danger d'un petit peu de karma que tu ramasses. Tu sais, 10 milliardième, 2 millionième, 2 milliardième de karma, c'est ce que tu as. Mais quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans l'intelligence, quelqu'un avec qui tu devrais te nourrir, puis si l'individu n'a pas la force nécessaire pour arriver à établir un contact avec toi, c'est de l'autorité de celui qui est plus énergisé et plus conscient de brancher le canal de l'autre pour qu'il puisse s'alimenter mutuellement. Et je le dis. Bon. Maintenant, l'autre, il attend que ça, d'être branché, puis il n'est pas capable. Même s'il dit qu'il veut pas, ça le regarde pas. Là, il joue à la femme traditionnelle. Mm-hmm. Quand il dit non, ça veut dire oui. Puis quand il dit oui, ça veut dire non. Puis, après, je dis femme, là. La femme traditionnelle. Tu goûtes de sortir, oh, pas bébé le goût. En même temps, t'aurais pu insister plus. La femme traditionnelle, t'as pas des femmes qui s'émancipent, mais c'est typique. L'homme, c'est différent. L'homme, il gueule, il part, puis il regrette après. La femme, elle, ben, elle dit non, quand c'est oui, puis les deux sont poignés. Mais là, tu joues à ça, dans ce temps-là. La personne là, qui est intelligente, là, puis qui dit, ah, moi, je veux pas, non, je veux pas prête, j'ai pas le goût, j'ai pas besoin. Ouais. Là, celle-là. Je vois qu'elle va se dépétrir lentement, manquer d'eau, elle. Ça fait partie de ceux qui sont du sexe X. Ceux qui sont du sexe Y ont besoin, eux autres, de plus de problématiques pour s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'avec des problématiques et des problèmes, ils sont obligés de travailler en plan mental, puis l'expérience au niveau du contact, au niveau du mental. Alors ça va fonctionner. Tu es obligé de parler, tu es obligé de régler des problèmes, puis de faire des choses, puis de créer, puis d'appliquer de la créativité même quand c'est pas le temps. C'est essentiel pour eux autres. Alors que le sexe X, eux, ne sont pas obligés d'appliquer de la créativité de la même façon. Il faudra évidemment qu'ils appliquent leur créativité à un moment donné. Parce que l'énergie, en te traversant au complet, elle place des choses. Donc, il faut absolument que tu écrives ou que tu parles ou que tu crées quelque chose à un moment donné. Mais ce n'est pas créer des problèmes pour arriver à te nourrir. Tu vas créer uniquement pour arriver à te rendre fonctionnel. Par contre, tu auras besoin, dans un travail de désinhibition, de rejoindre à un moment donné des individus d'une façon de plus en plus correcte, de façon à pouvoir être alimenté par eux, parce que sans ça, ton corps physique ne pourra pas supporter le poids du contact. Voilà. Tu comprends quelque chose? Oui, mais j'ose pas trop repartir. Moi non plus. Ah, il n'y a pas de musique, c'est vrai? On va faire une pause, effectivement. Il reste 2-3 minutes. Alors, on fait une petite pause, puis vous avez des questions, vous les écrivez, puis on va... On va s'amuser.